c'était un triste soir, comme il y en a par milliers, quand cet homme est venu me voir pour parler. Et même s'il était tard, qu'on m'attendait pour dîner, je savais que c'était lui que j'attendais. Et je l'ai vu sourire, j'ai vu ses yeux me dire, noyé dans un soupir, reste à mes côtés. J'ai pu sentir son cœur vibrer à 100 à l'heure, et soudain j'ai pris peur quand je les entendais. De prétendre pouvoir aimer l'inconnu et de se laisser chavirer.